Boo, a.k.a. El Nino. Du rôle d'idéo, on efface les MC en vidéo. Radio, oh vibes me Mario. OMI, c'est héros, à part moi ne voir personne. Assalamu alaikum. C'est Johnson S. Bonhomme, P.I. Magnum. Mon ID Sly, P.I. number one. L'homme sur le podium. Hétéro, omnivore, plus high qu'un homme sous opium. Scum comme Hulk, d'un skill élimine les nus. Move comme Silk, j'illumine comme mille lunes. L'homme hors norme, en haute forme, sans le beat autonome. Boy, de l'automne à l'automne. Vamos, à la playa, sous les sunlight. Issa et Yann Soupa. Avec slide de Bahia au Bouddha. Exposition, hot comme Alia. Halawa, quitte ton Himalaya. UV radia, Ayala et Yaku, de soleil furia, sol para requia, palpo sans pile pas, pile poil faia. Ici les Clyde Bonnie, fat banda dans Johnny, hide hop pony, sans bonnie, please Johnny. Be good in the mood, Jesse Allen, Woody, Lee Blues, Wood Holly, they come Billie Jean, piste comme Bambi. Jesse Killis là, non, mon train t'atteint la peigne dans les feuilles de Willy. Half road to B-Boy in the hood, Ken Kenny, dope speed comme Gonzalez, peu pas Ken les génies. Check le stylo. De mon adagio, prestissimo, déguste le thé, la plat de combo. À slow tempo, je t'embarque, t'es la jet jumbo. Fat comme ma soupe à combo de tongpo. Entre le boy Coco Cell avec Tora comme Lino. Brown comme Nino, j'ai les jaunes maillots comme Eno. Crispy que Bigo, Steven et Chico dans Nico. Qu'un trico à deux mailles de mon candico chico comme Puente Tito. Boo boo, aka El Nino, du rôle d'idio. On efface les MC en vidéo, radio. Oh vibes, me Mario, OMIC, héros à par moi ne voir personne, oh c'est yo boubou, aka El Nino, du rôle d'idio. On efface les MC en vidéo, radio, oh vibes me Mario, oh MC héros, à part moi ne voir personne, oh c'est yo. Slap, slap, oh, slap, slap, slap, oh, slap, slide the my Buddha. Slap, slap, oh, slap, slap, slap, slap, slide the my Buddha. Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slide the my Buddha. Slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slap, slide the my Buddha.